On l'a appelée la guerre révolutionnaire, ou encore la guerre moderne. Un concept élaboré par certains officiers français qui ont combattu en Indochine, et des idées d'abord empruntées à l'ennemi, c'est-à-dire le Viet Minh communiste, et aussi au fameux petit livre rouge de Mao Zedong. Priorité aux renseignements, action psychologique, propagande politique, embrigadement des populations, autant de principes que ces mêmes officiers vont ensuite appliquer en Algérie lorsque les opérations dites de pacification vont commencer après la Toussaint 1954. Mais, à la différence de la situation qu'ils ont vécue en Indochine, ces jeunes Turcs ont désormais l'oreille de leurs supérieurs, les généraux Salan, Loriot et Allard, qui vont commander en Algérie, sont acquis à leurs idées. Et ils vont toujours couvrir leurs subordonnés qui se livrent pourtant à des actions qui sont non seulement contraires à la morale, mais aussi aux lois de la guerre telles qu'elles ont été définies par les conventions de Genève. En août 1955, les rebelles algériens déclenchent une insurrection dans le Constantinois. Plus de 100 Européens sont massacrés. La répression est terrible. Des centaines, peut-être même des milliers d'Algériens sont tués. Certains ayant été exécutés sommairement dans l'enceinte du stade de Philippeville. Toutefois, contrairement à ce qui s'est passé 10 ans plus tôt à Sétif, cette campagne de terreur ne produit pas les effets escomptés. Le FLN, qui a sciemment programmé cette insurrection, voit croître ses effectifs et va multiplier les actes de terrorisme, particulièrement à Alger. Et bientôt, ce sera justement ce que l'on a appelé la bataille d'Alger, il y a tout juste 50 ans. Monsieur X, qui, la semaine passée, a raconté la genèse de la guerre révolutionnaire, entreprend aujourd'hui de décrire son application au cours de cette bataille d'Alger, qui n'a pourtant de bataille que cette appellation trompeuse. Dans un instant, l'explication de Monsieur X. 1956, c'est une année terrible pour l'Algérie. Le contingent français est alors fort de 450 000 hommes. Oui, parce que maintenant, il comprend des appelés. Ce qui n'a jamais été le cas en Indochine, où l'on n'a envoyé que des professionnels et des engagés. Mais la situation empirant, le gouvernement de Guy Mollet obtient des députés le vote de pouvoirs spéciaux et porte la durée du service militaire à 27 mois. 27 mois. Ouais. Autre décision importante, les pouvoirs civils peuvent désormais déléguer leur autorité aux militaires. Ça préfigure ce qui va se passer à Alger au tout début 1956. En effet, autre événement considérable, en mai 1956, des éléments de l'ALN. L'ALN, c'est l'Armée de Libération Nationale, c'est-à-dire le bras armé du FLN. Hein. Donc, des Junoud, comme on les appelle, tendent une embuscade à une unité de marsouins. 20 soldats sont tués et leurs cadavres sont ensuite mutilés par les habitants d'un douar voisin. Et un mois plus tard, à Alger, les autorités procéderont aux premières exécutions capitales de rebelles. Et tout ça, c'est un peu qu'envenimer la situation. Bien entendu. Autre événement, qui va encore un peu plus crisper la position des indépendantistes algériens, une bombe de forte puissance éclate dans une rue située au sommet de la Casbah, le 10 août exactement, et il y a des dizaines de morts musulmans. Ça, ça ressemble à une provocation. Sans nul doute. On soupçonnera des activistes anti-FLN, des ultras, qui ont voulu tuer dans ce lieu parfaitement symbolique, car pratiquement seuls des Algériens y habitent. Et une fois de plus, on pensera à cette mystérieuse main rouge. Oui, c'est une émanation de nos services spéciaux, m'avez-vous dit. Hein. Et des noms seront même prononcés, dont celui d'un ancien commissaire qui a joué un grand rôle dans les ratonnades qui ont suivi les événements de Sétif et Guelma. Mais bien sûr, il n'y aura aucune arrestation. Ouais. Et j'imagine que le FLN envisage déjà de riposter. Et il va décider la création au sein de la Casbah d'une unité spéciale qui va être chargée de semer la terreur dans Alger même. Des bombes. Oui, des bombes particulièrement meurtrières qui vont toucher le cœur d'Alger et les classes moyennes. D'ailleurs, une population pied-noire qui, jusque-là, n'avait pas eu à trop souffrir de la guerre. Et s'ils ont choisi Alger, ce n'est pas un hasard. Évidemment. Ces nationalistes algériens veulent frapper l'opinion, tant française qu'internationale d'ailleurs. Car ça fait déjà longtemps qu'ils tentent d'attirer l'attention de l'ONU. Mais Alger, c'est une vraie caisse de résonance. Bien entendu. Une escarmouche dans le bled, ça fera tout juste un autre filet dans la presse. Et encore. Tandis qu'un attentat particulièrement meurtrier à Alger, ça fera de gros titres. C'est donc, en fait, l'adoption d'une nouvelle stratégie. Tout à fait. Il faut aussi dire que dans les Djebel, face au rouleau compresseur de l'armée française, l'ALN est à la peine. D'où la volonté de porter la guerre dans la ville. Donc il n'y a pas que le désir de se venger après le terrible attentat dans la Casbah. C'est ce que je pense, oui. À la tête de ce véritable commando de terroristes chargé de frapper Alger, il y a un politique respecté, respecté même parmi ses adversaires, Larbi Ben Hindi. Il est épaulé par un homme dont vous avez forcément entendu parler, Yassef Saadi, un type qui fera preuve d'une audace folle. Et puis il y a un proxénète repenti. Ah oui, je vois, Ali Lapointe. C'est ça. Et puis on trouve aussi un certain Taleb, un chimiste. L'homme qui confectionnera les bombes, j'imagine. Oui, l'originalité de ce petit groupe, c'est le recrutement de jeunes femmes. Des militantes FLN d'un physique plutôt avenant et qui surtout peuvent tout à fait passer pour des Européennes. Ces femmes, d'abord employées comme agents de liaison, vont être les poseuses de bombes. Ouais, parce qu'elles pourront circuler dans les quartiers européens sans risque de se faire repérer. C'est bien ça. Ouais. Et quand commence cette campagne terroriste? Je crois que les deux premières bombes explosent à la fin septembre. À chaque fois, ce sont des endroits fréquentés par la jeunesse européenne qui sont visés. Donc le célèbre Milk Bar situé place d'Isly. Il y a des morts. Et au moins une soixantaine de blessés, dont certains gravement touchés, doivent être amputés sur place. Il faut souligner que, trois semaines plus tard, un avion marocain transportant quelques-uns des dirigeants extérieurs du FLN est arraisonné en plein vol. Oui, on l'oblige à atterrir à Alger. Hein. Au terme des conventions internationales, c'est un véritable acte de piraterie aérienne que le gouvernement français est obligé de couvrir après coup. Oui, parce que la décision a été prise par les militaires sans consultation des autorités civiles. En effet. Enfin, passons. Pour l'armée, c'est un coup très dur porté à l'organisation rebelle. Et c'est tout ce qui compte. En tout cas, ça n'empêche nullement le commando d'Alger de continuer à poser des bombes, et de plus en plus souvent. Dans un magasin, une gare, un autobus, autant d'attentats aveugles et sanglants qui sèment la terreur dans la population pied-noir. S'y ajoutent d'autres attentats contre terroristes perpétrés par les ultras. Au total, presque 100 bombes ont été posées entre septembre et décembre. Et Alger découvre la réalité de la guerre. Et la population est de plus en plus excédée. Et l'apothéose, si je puis dire, c'est fin décembre 1956, l'assassinat d'Amédée Frogé, président de l'Association des maires d'Algérie. À l'occasion de ses obsèques, on assiste à de vraies ratonnades où plusieurs musulmans sont tués. Et puis il y a cette menace de grève que fait peser le FLN et qui inquiète particulièrement les autorités. Une grève qui pourrait devenir très rapidement insurrectionnelle. Et cela au moment où, fin janvier, l'ONU doit se préoccuper de l'affaire algérienne. Alors, Paris doit donc réagir. Et Paris est obligé de reconnaître que les forces de police ne suffisent plus à rétablir le calme et juguler la vague de terrorisme qui submerge Alger. C'est donc dans ce contexte qu'au début janvier, le gouvernement prend une décision extraordinairement grave. La délégation des pouvoirs de police à l'armée. C'est-à-dire que, au fond, des militaires vont devenir des policiers. Exactement. Et si certains officiers répugnent à se charger d'une telle besogne... Parce que c'est pas leur métier. Bah, bien sûr. D'autres, au contraire, n'ont pas ce genre de scrupules. L'occasion est trop belle d'expérimenter en ville leur théorie de la guerre contre-révolutionnaire. Oui. Alors, pratiquement, comment ça se passe? Robert Lacoste, le ministre résident, fait appel à la 10e division parachutiste, alors placée sous l'autorité du général Massu, et qui compte 4 régiments. La plupart des hommes qui composent ces unités, dont bon nombre d'étrangers, reviennent tout juste de Suez. Sous la pression de Washington et Moscou, ils ont dû battre en retraite. Hein. Et autant vous dire qu'ils n'ont pas digéré cette reddition forcée. Ouais. Et Massu lui-même, alors, mais comment réagit-il quand on le charge de cette nouvelle mission policière? C'est un militaire, donc il n'a pas le choix. Il obéit. Mais il ne va pas livrer de gaieté de cœur cette bataille d'Alger, comme on va bientôt l'appeler. Une bataille qui est dans les faits une vaste opération de police. Sa mission est sans équivoque. Massu, qui va aussi avoir la haute main sur tous les services de police, est chargé de liquider les réseaux qui commettent des attentats à Alger. Mais ça veut dire aussi liquider les membres de ces réseaux. Mais c'est la vérité même, si ça n'est pas écrit noir sur blanc. Massu va donc disposer de ses 3000 paras, mais aussi d'autres régiments stationnés dans la région d'Alger. Des zouaves, des chasseurs d'Afrique, 10 000 hommes en tout. Plus les policiers et gendarmes. Et même les CRS. Il y a aussi l'appui du 11e champ. Ouais, c'est-à-dire le service action du SDEC. Hein. Et bien sûr, le futur général Ossarès est de la partie. Et il va jouer un rôle essentiel dans la chasse aux renseignements. Une chasse où il use de toutes ses méthodes qui lui sont familières. La torture. Naturellement. Et lorsqu'il le faut, les exécutions sommaires. Raphaël Branche est l'auteur d'un livre paru chez Gallimard, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie. Elle estime que les pleins pouvoirs dévolus à l'armée en janvier 1957 marquent un tournant dans la guerre d'Algérie, car c'est tout l'équilibre des pouvoirs qui est bouleversé. Et elle essaie de décrypter l'attitude de ces militaires qui deviennent tout puissants d'un jour à l'autre. Se concentrant sur la recherche de renseignements, les parachutistes tentent d'adopter la méthode la plus rationnelle possible. L'efficacité en est le critère principal, éloigné de toute légalité, et la torture le moyen récurrent. Décrivant ces tâches, le colonel Trinquier et l'aumônier parachutiste Louis Delarue précisent que le métier de policier ne leur plaît pas, mais que ce sont les félagas qui, se conduisant en bandits, nous obligent à faire ce métier de policier. Choisissant le terme « félaga », les auteurs marquent la continuité de leur action du bled à la ville. Dans un texte du 30 janvier 1957, le commandant du 3e RPC précise « Cette action nous oblige à utiliser des méthodes de travail dites « policières ». Il n'y a pas à s'en offusquer car la destruction de l'adversaire but ultime du combat est à ce prix. » L'expression « bataille d'Alger » s'impose d'ailleurs puisque les militaires considèrent qu'ils continuent la guerre sur un autre front, même s'il ne s'agit plus d'embuscades ou d'affrontements armés, mais seulement de détecter l'organisation politico-administrative du FLN, de la mettre hors d'état de nuire et d'en prévenir toute reconstitution. Or, ce sont moins les félagas qui amènent les parachutistes à ce type d'action que les civils qui, leur déléguant les pouvoirs de police, leur laissent le loisir d'imposer leur conception de la répression. Encore un mot sur Ossarès. C'est le général Massu en personne qui l'incorpore à son état-major. Pourquoi ? Ben, il n'ignore pas son appartenance au service action du SDEC. Et puis, il a personnellement constaté dans le Constantinois que le commandant Ossarès était un as du renseignement. Bon, je n'y reviens pas puisqu'on en a parlé longuement la semaine passée. Il faut ajouter que Massu demande aussi à un autre spécialiste du renseignement de le rejoindre. Il s'agit du colonel Trinquier, l'un des théoriciens de la guerre moderne, pour reprendre le titre de son livre paru en 1961. Est-ce que Massu, en faisant appel à ces deux officiers, sait qu'il incorpore ainsi deux hommes qui n'auront aucun scrupule à utiliser la torture? Bien évidemment, il n'est quand même pas naïf. Mais c'est assez tardivement qu'il en a découvert la pratique. En tout cas, l'aveu qu'il a fait un jour à votre ami Patrice Gélinet lors d'une émission de France Culture. Ah ben, racontez alors. Eh bien, en 1956, je crois, en se rendant dans le cantonnement du colonel Bijard, il a vu des paras utiliser la Gégène pour faire parler un prisonnier. Et comme il s'étonnait, Bijard lui a dit « Mais on s'en servait déjà en Indochine ». Oui, toutefois, il n'a pas enjoint à son subordonné de cesser cette pratique. Absolument pas. Ouais. Et Bijard va être l'un des principaux acteurs de la bataille d'Alger. Avec son 3e régiment de chasseurs parachutistes. Il sera en effet sur la brèche tout au long de l'année 1957 et participera de façon très active à cette sale guerre où pas mal de militaires vont perdre leur âme. C'est une expression que je n'ai pas inventée. On la retrouvera dans la bouche de nombreux officiers. Certains, comme le général de la Bollardière, ayant même le courage d'affirmer haut et fort le dégoût que leur inspirent les pratiques avilissantes de l'armée. Mais alors, dans les faits, comment ça se passe hein? Un mot avant. Dans une directive, le général Allard, qui commande alors la division d'Alger, va montrer le chemin. Un chemin qui emprunte naturellement beaucoup aux principes de la guerre dite révolutionnaire. Premièrement, écrit Allard, tout Algérien est par principe un suspect. Ah ben, pourquoi ? Parce qu'il est presque naturellement porté à être hostile aux forces françaises. Ouais. C'est une sorte de reconnaissance implicite de l'imprégnation de la population musulmane par le FLN. Hein ? Bah, on peut voir les choses comme ça. D'où l'importance de l'action psychologique qui doit aussi viser à retourner cette population qui a été gagnée par les idées indépendantistes. Mais enfin, je poursuis. Mm-hmm. La deuxième règle, c'est la priorité absolue qui doit être accordée à la recherche du renseignement. Et dans une note secrète, un autre général, Phédron, écrit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que cette recherche ait le maximum d'efficacité. Ah ben ça, ça a au moins le mérite d'être clair, même si le mot torture n'est pas utilisé. Hein. Et ce même général poursuit à peu près ainsi. Il convient d'exploiter le plus rapidement possible les informations recueillies, même si elles sont incomplètes ou aléatoires. Enfin, il faut procéder aux éliminations nécessaires. Des exécutions. Oui, ce qu'on appelle dans le jargon des services secrets des opérations homo. Oui, homo pour homicide. Et on va même inventer pour cela une technique. Comme selon une instruction officielle, les militaires doivent ouvrir le feu sur tout prisonnier qui tente de fuir. On va camoufler ces exécutions sommaires en les assortissant d'un minimum de légalité. Ainsi, les soldats demandent à un prisonnier de courir devant eux et on lui tire dans le dos. Et dans le rapport qui est rédigé ensuite, on note « fuyard abattu après les sommations d'usage ». Ouais, c'est ce qu'on appellera aussi la corvée de bois. Exactement, oui. Et de plus en plus, les officiers paras engagés dans la bataille d'Alger, tels Bijard, demandent à être délivrés de tout ce fatras pseudo-juridique qui gêne leur action sur le terrain. Ouais, la guerre exceptionnelle, mesures exceptionnelles. C'est ça. Et on va mettre au point tout un arsenal de mesures qui bafouent le droit commun. Ainsi, les militaires peuvent assigner à résidence surveillée n'importe quel individu et pour un temps illimité. Les perquisitions sont autorisées de jour et de nuit. Le droit de circulation est sévèrement contrôlé. Les jugements sont accélérés et les autorités militaires se réservent le droit de suspendre fonctionnaires et élus. Bref, les soldats peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, quoi. Ah, et telle est la vérité. Cette situation se prolongera tout au long de la bataille d'Alger, qui durera presque un an, de janvier à octobre 1957. Alors, vous me demandiez comment s'est passée cette bataille. Bah, pour Massu et le ministre résident Lacoste, il y a une priorité. Briser cette grève prévue à la fin janvier. C'est-à-dire juste au moment où l'ONU entend examiner la question algérienne. Une grève que Ben Mehdi, chef militaire et politique de la rébellion à Alger, prévoit de faire durer le plus longtemps possible. Une grève qui risque en outre d'être très suivie. En particulier dans la Casbah. Pas obligatoirement, oui. La Casbah, qui est d'emblée considérée comme le centre névralgique de la rébellion. C'est en effet un vrai maquis urbain avec son lacis de ruelles, de venelles. Par conséquent, et c'est l'une des toutes premières mesures prises par Massu, il est décidé d'isoler la Casbah du reste de la ville. On installe des barbelés un peu partout pour verrouiller le quartier. Et pour y aller ou en ressortir, on doit obligatoirement emprunter l'un des 5 points de passage autorisés. Et bien sûr, tout le monde y est fouillé. Toute comparaison à part, hein, quand même. C'est un peu ce qu'ont fait les nazis à Varsovie autour du ghetto. Hein. Ouais, enfin, vous avez parfaitement raison. La Casbah devient un ghetto. Et combien y a-t-il d'habitants dans la Casbah, alors ? Un peu plus de 70 000, dont presque 90% de musulmans. Et naturellement, pour toute cette population, la vie quotidienne devient de plus en plus difficile. Facile à imaginer, ouais. Deuxième décision de Massu. Pour lutter efficacement contre la rébellion, il entreprend de faire établir un organigramme des structures du FLN à Alger. Un organigramme qui s'étoffera au fur et à mesure des arrestations et des renseignements obtenus sous la torture. Et puis, pour frapper les esprits, il fait procéder à une gigantesque rafle en pleine nuit. Un épisode très violent. Portes enfoncées, hommes frappés, centaines d'arrestations ponctuées de rafales de mitraillettes. Et le résultat ? Bah, grâce aux interrogatoires musclés qui sont conduits dans les QG des régiments de paras, quelques cases blanches de l'organigramme de Massu se remplissent. Mais aucun gros poisson n'a été capturé. Cependant, est-ce que cette rafle spectaculaire et le bouclage de la Casbah aboutissent à réduire le nombre d'attentats ? Pas tout de suite, non. Le 26 janvier, 2 jours avant la date choisie par Ben Mehdi pour le déclenchement de la grève, 3 attentats particulièrement meurtriers endeuillent Alger. Quels sont les endroits frappés ? 3 cafés, dont un établissement très connu, l'Automatique. C'est donc une sorte d'échec pour Massu, puisqu'apparemment le bouclage de la Casbah n'a pas été assez hermétique. Sans doute. Mais il faut aussi tenir compte du fait que les musulmans d'Alger ne se trouvent pas tous dans la Casbah, quoi qu'il en soit. Les paras doivent maintenant trouver la parade, et surtout faire face à la grève qui se prépare. Ben Mehdi a donné ses consignes. Aucun arabe ne doit aller travailler, aucun commerce ne doit ouvrir, et le réseau des transports urbains sera paralysé. Mais là encore, Massu va frapper fort. C'est-à-dire ? Au matin du 28 janvier, alors qu'une nouvelle rafle nocturne a eu lieu la veille, les paras investissent à nouveau la Casbah. L'objectif, c'est de faire travailler les candidats à la grève. De force, naturellement. Oui. Et si vous avez vu le film de Pontecorvo sur la bataille d'Alger, vous vous souvenez sans doute de ces images des paras qui, ici, soulèvent des rideaux de fer ou les brisent, de ces devantures d'échoppes fracassées, et ailleurs, de l'embarquement sur des camions de dizaines d'hommes qui vont être conduits sur le port afin de remplacer les dockers grévistes. Et puis, tandis que d'autres paras, fanfares en tête, circulent dans les ruelles et distribuent des bonbons aux enfants. Ça, c'est l'action psychologique. Bien entendu. Mais pendant ce temps, on procède aussi à de nombreuses arrestations, des dizaines, des centaines, tant et si bien que se pose désormais la question de l'hébergement de ces prisonniers raflés par les paras. Et là encore, les dispositions légales vont être bafouées. Ce sont une fois de plus les militaires qui imposent leurs conditions aux autorités civiles, et donc à la justice. Il faut au moins reconnaître à Massue, grand organisateur de la bataille d'Alger, une qualité, la franchise. Voici ce qu'on peut lire dans Libération au lendemain de sa mort en 2002. Avec lui, l'ordre règne à Alger. De cette période où il aura sous son commandement le futur général Ossarès, Massue s'en expliquera en 1971. Dans son livre « La vraie bataille d'Alger », il explique la torture et la revendique comme un moyen adéquat pour stopper les agissements du FLN. Michel Rocard, patron du PSU, demande que le parquet poursuive le gradé pour « apologie de crimes de guerre ». En vain. Le temps passe. Les témoignages sur l'utilisation de la GIGN s'accumulent. En novembre 2000, Massue revient sur son passé. « J'ai dit et reconnu que la torture avait été généralisée en Algérie », confie-t-il au journal Le Monde. Pas de faux fuyants. Et la question cruciale, l'ordre venait-il du pouvoir militaire ou du pouvoir civil ? Je m'interroge, répond Massue. Soit l'armée prenait des initiatives sans contrôle, ce qui est grave pour le pouvoir politique, soit le gouvernement élu autorisait les traitements inhumains. Dans un cas comme dans l'autre, l'exécutif porte la responsabilité. 40 ans après les faits, Massue assurait que ce serait une bonne chose que la France condamne ces pratiques. Très vite, peu de temps après le début de la bataille d'Alger, on compte déjà des milliers de personnes arrêtées. Beaucoup d'Algériens, bien sûr, mais aussi quelques Européens soupçonnés d'aider les poseurs de bombes. En principe, chaque arrestation doit être signalée dans les 24 heures à la préfecture. Toutefois, dans la réalité, beaucoup de ces détenus croupissent dans un certain nombre de centres clandestins installés par les militaires. Et ces centres où l'on pratique aussi les interrogatoires, c'est-à-dire la torture. Et certaines victimes des militaires vivront ensuite leur détention dans une vraie prison, comme une bénédiction. Ouais, car ils échappent ainsi à l'arbitraire et aux souffrances physiques. Exactement. Et personne ne s'émeut ? Ah bah pas grand monde, en tout cas. Robert Lacoste, le ministre résident, est parfaitement au courant. Et à Paris, le gouvernement, tout en niant vigoureusement l'existence de la torture, n'ignore rien de ce qui se passe réellement à Alger. Et en ce sens, il est à mon avis beaucoup plus coupable que ces paras qui manient la GIGN ou torturent leurs victimes avec le supplice de l'eau. Tiens, le gouvernement sait, mais ne veut rien voir. Et il est bien content que le sale boulot soit effectué par les paras. Et lorsque les ministres qui font le déplacement à Alger posent des questions, le brave colonel Bijard leur explique qu'on ne combat pas le terrorisme avec des procédés d'enfant de cœur. Ouais, et on en reste là, quoi. Oui, oui. Alors il y a quand même des gens qui ruent dans les brancards, même s'ils sont rares. Le procureur de la République d'Alger, par exemple. Dans une circulaire, il dénonce les errements dont se rendent coupables les militaires. Les détentions arbitraires, en particulier. Mais il a à peine pondu sa circulaire que le ministre résident prend le contre-pied de ce qu'il vient d'écrire et accorde à l'armée le pouvoir d'assignation à résidence dans ce qu'il appelle des camps de triage. Les militaires triomphent. Oui, ils ont maintenant les mains libres. Mais un autre homme se dresse également contre eux. Paul Tedjen, secrétaire général de la préfecture et qui exerce les fonctions de préfet de police. C'est à lui, en principe, qu'il revient de signer les assignations à résidence. Et c'est le seul pouvoir qui lui reste. Alors, cet homme courageux et déterminé fait des calculs. Et il constate qu'entre le nombre d'assignations qu'il a signées et le chiffre des prisonniers qui sont officiellement détenus, il y a une énorme différence. Au moins 3000. Autant de personnes qu'on ne reverra jamais. Quoi, c'est des corvées de bois, là? Oui, ou des crevettes bijard, comme on commence à les appeler. Des crevettes bijard, oui. Les gens jetés à la mer. Et hein. Qui, parfois, malgré le lest en ciment où leurs pieds ont été plongés, réapparaissent sur les rivages. Alors, Tedjen proteste, exige des réponses, en vain, et il finit par démissionner. Plus tard, Je ne veux pas prendre leur défense, mais les officiers paras se justifieront en affirmant qu'ils sauvaient des vies innocentes en torturant les terroristes. Hein. Car ils prévenaient ainsi de nouveaux attentats, oui, je sais. Mais alors, comment expliquer que dans certains cas, les suspects appréhendés sont restés détenus plusieurs jours avant d'être interrogés? Ah oui, parce que s'il y avait urgence, ils auraient dû être interrogés immédiatement. Ah oui, c'est bien ce que je voulais dire. Or, les bombes continuent à exploser à Alger. 9 morts dans des stades au début février. Toutefois, il est vrai que la traque généralisée commence à porter ses fruits. Des planques d'armes et d'explosifs sont découvertes. Et surtout, fin février, Ben Mehdi est arrêté dans un appartement d'un quartier européen. Et la prise est considérable. Parce que c'est le chef FLN de la zone d'Alger. Et c'est surtout un personnage charismatique. D'ailleurs, il va même impressionner les militaires qui vont l'interroger et qui lui rendront les honneurs militaires lorsqu'après quelques jours d'incarcération, il est remis au commandant Sarès. Remis au commandant Sarès. Mais pourquoi lui Parce que les ordres sont venus de Paris. En parfait accord avec le ministre de la Défense, Maurice Bourgès-Monoury, Max Lejeune, secrétaire d'État aux forces armées, a estimé que ce dirigeant FLN devait disparaître. Disparaître. Et c'est au Sarès alors qu'il est chargé de la besogne. En effet. Alors officiellement, Ben Mehdi va se suicider dans sa cellule. Mais en fait, c'est au Sarès qui a maquillé ce faux suicide et a procédé à son exécution par pendaison. Je n'invente rien, là. Osarès a reconnu lui-même cet assassinat. Ah oui, dans son fameux livre sur les services spéciaux, là, un livre paru au début des années 2000, hein, et qui a fait scandale. Oui, oui, et qui lui a valu de perdre sa Légion d'honneur. Mais enfin, à l'époque, même si ce faux suicide n'a guère fait illusion, Osarès n'a encouru aucun reproche. Alors passons. Malgré l'élimination de Ben Mehdi, la campagne d'attentat se poursuit. Certes, ils sont moins nombreux, mais ils sont toujours aussi meurtriers. Car Yassef Saadi, le second de Ben Mehdi, n'a toujours pas été capturé et il peut toujours envoyer ses poseuses de bombes dans les rues d'Alger même, si certaines ne vont pas tarder à être arrêtées. Et si je me souviens bien du film La bataille d'Alger, Saadi va lui-même échapper de peu à l'arrestation. Hein. En avril, oui. Mmh. Il circule alors dans la Casbah avec son adjoint, Ali Lapointe, et tous deux sont déguisés en femmes. Et ils sont accompagnés par une vraie femme, Jamila Bouhiret, l'une des poseuses de bombes, justement. Et ce petit groupe croise une patrouille. Et sous la djellaba, les soldats repèrent les souliers très masculins des deux hommes. Il s'ensuit un échange de coups de feu. Yassef et Ali parviennent à fuir, mais Jamila, blessée, est capturée. Encore une belle prise, car la jeune femme porte sur elle d'importants documents. Et malgré son courage, les paras réussiront à la faire parler. Et pourront ainsi découvrir la cachette de plusieurs bombes prêtes à l'emploi, si je puis dire. En tout cas, grâce à cette capture et à beaucoup d'autres arrestations, Massu peut enfin remplir les derniers blancs de cet organigramme dont il est si fier. Oui, mais alors, Saadi, lui, n'est toujours pas capturé? Non, non, et des bombes continuent à exploser. En juin, au casino de la Corniche, un engin explosif tue 9 personnes et en blesse 80 autres. Pourtant, les paras ont mis en place une nouvelle technique qui deviendra aussi l'un des principes de la guerre révolutionnaire. Quoi ? Le quadrillage systématique de la Casbah. Maison par maison, tous les habitants algériens sont identifiés. Les contrôles individuels dans la rue seront donc facilités. En même temps, un capitaine, Paul-Alain Léger, perfectionne l'action psychologique. Après avoir retourné certains rebelles, il les fait défiler dans les rues de la Casbah. Je me souviens, c'est ce qu'on va appeler les bleus de chauffe. C'est ça. Ouais. Parce qu'il impose à ses hommes de porter les salopettes. Le résultat est double. Non seulement il prouve à la population de la Casbah que le FLN n'est pas invincible et que certains de ses militants ont rallié la cause de la France, mais bientôt ces bleus de chauffe vont inspirer une véritable terreur. Un mot peut-être encore avant de parler de la fin de la bataille d'Alger. Tout au long de cette année 1957, le FLN va de difficulté en difficulté. Il est en particulier miné par le soupçon. Un soupçon que Léger est le premier à instiller au sein de l'organisation rebelle en pratiquant une véritable désinformation. Et à l'aide d'agents retournés. Oui, et le résultat, ce sont des luttes fratricides. Des luttes très sanglantes. Dans le village de Mélouza, par exemple, 300 hommes qui avaient le tort de soutenir le mouvement rival, le MNA de Messaliadj, sont purement et simplement massacrés. Un massacre que le FLN a longtemps nié. Il a en effet accusé l'armée française d'avoir perpétré cette horreur. Alors, j'en viens à la fin de la bataille d'Alger. Grâce à une trahison ou peut-être une manipulation du capitaine Léger, la cache de Yassef Saadi est repérée. Le terroriste finit par se rendre sans résister. Et avec lui, les paras mettent la main sur l'une des poseuses de bombes. Les parades ne le savent pas encore, mais Ali Lapointe se trouve tout près, dans une autre planque. Et c'est, enfin, j'ai cru comprendre, moi, c'est Yacef Saadi qui va fournir le renseignement. Hein. Oui, sans doute, on peut le penser. 15 jours après sa propre arrestation. Sans doute a-t-il pensé qu'il avait donné assez de temps à Ali pour se trouver une autre cachette. Mmh. Oui, les résistants avaient pour consigne de tenir 2 ou 3 jours avant de parler. Hein. Quoi qu'il en soit... Les résistants français, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la planque de l'ancien proxénète est cernée. Mais le rebelle refuse de se rendre. Les paras dynamitent donc la maison où il se cache. Une formidable explosion, puisqu'on ne retrouvera son corps dans les décombres que 2 jours plus tard. Mmh. Alors cette fois, la bataille d'Alger est vraiment finie. C'est une incontestable victoire pour les paras, mais à quel prix? L'armée n'en finira pas de payer les séquelles des monstruosités qui ont été commises. Toutefois, les théoriciens de la guerre révolutionnaire, eux, s'en sortiront beaucoup mieux. Et ils vont être appelés un peu partout dans le monde pour dispenser leurs douteux enseignements. Dans son passionnant livre « Escadron de la mort, l'école française », Marie-Monique Robin a justement suivi la piste de tous ces officiers, dont l'inévitable général Osarès, qui ont enseigné leur méthode à leurs collègues étrangers. En Argentine, elle rencontre par exemple le général Balza, qui lui déclare ceci. Les Français ont apporté en Argentine une conception néfaste et perverse qui a littéralement empoisonné l'esprit des officiers de ma génération, celle de l'ennemi intérieur. Jusqu'à leur arrivée, notre armée, comme n'importe quelle armée du monde, se préparait à se défendre contre l'agression éventuelle d'un ennemi extérieur, en l'occurrence pour nous, un pays voisin comme le Chili ou le Paraguay. À partir du moment où a été introduit ce concept de l'ennemi intérieur, nous avons tous, et moi y compris, intériorisé le fait que l'ennemi contre lequel nous allions avoir à nous battre était notre propre concitoyen. C'était celui avec qui peut-être nous étions en train de déjeuner, le professeur de nos enfants ou notre voisin, bref, tous ceux dont nous ne partagions pas les idées et qui pouvaient avoir de près ou de loin des affinités avec le communisme présenté comme le mal absolu ou avec le mouvement péroniste considéré comme un sous-produit du premier. En d'autres termes, à longueur de conférences, les assesseurs français n'ont cessé de nous dire que désormais, le champ de bataille était le territoire argentin lui-même et que pour détruire les idées subversives qui mettaient en péril les valeurs chrétiennes de notre civilisation occidentale, il fallait détruire l'homme lui-même. En fait, à partir de la fin des années 1950 jusqu'à la veille du coup d'État de mars 1976, l'armée s'est préparée à livrer une guerre fratricide et à se comporter comme une véritable armée d'occupation dans son propre pays. Le livre de Marie-Monique Robin a été publié par La Découverte. À noter, parmi les nombreux ouvrages de Pierre Vidal-Naquet, réédité récemment chez le même éditeur, Les crimes de l'armée française, Algérie 1954-1962, et puis aussi La torture dans la République, essai d'histoire et de politique contemporaine 1954-1962, édition de minuit 1998.